Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'étrange rencontre d'Elvis Presley et Richard Nixon en décembre 1970. Aux Archives nationales américaines, semble-t-il un des documents les plus consultés, une fascination pour bien des Américains, c'est cette photo que vous pouvez trouver un peu partout de Nixon serrant la main à Elvis Presley. La photo dont parle le chroniqueur cinéma Michel Coulombe à l'émission « Samedi, rien d'autre » en avril 2016, c'est cette photo de cette étrange et devenue célèbre rencontre entre Elvis Presley et le président américain Richard Nixon dans le bureau ovale de la Maison-Blanche le 21 décembre 1970. Et ce document serait effectivement le plus consulté des archives nationales à Washington. Je voudrais que cette lettre parvienne au président. T'as écrit une lettre à Nixon? Hey, qu'est-ce que t'en penses? Elvis. Elvis Presley? Oui, monsieur. Le chanteur. Oh, je sais qui est Elvis Presley, qui a organisé ce rendez-vous de merde. Je suis très inquiet pour la jeunesse de notre pays, alors je souhaiterais monter une opération secrète en tant qu'agent fédéral. Je peux fournir mes propres armes à feu. C'est une vaste connerie. Donc, monsieur le président? Non. N'importe quel électeur adore Elvis. Elvis Presley! Très bien. Monsieur, avez-vous une arme à feu illégale ou d'autres armes sur vous? Non, monsieur. Monsieur, je vous repose la question. Avez-vous une arme à feu ou d'autres armes, quelles qu'elles soient, sur vous en ce moment? Oui, monsieur, j'en ai. Elvis Presley est dans la maison! Monsieur le président, monsieur Elvis Presley. Faites en sorte qu'on prenne une photo. Pas de photo. Pas aujourd'hui. Et que se passe-t-il, nom d'un chien? Je n'en sais rien, monsieur. Extrait de la bande-annonce du film Elvis et Nixon, réalisé par Lisa Johnson en 2016. Ce film-là raconte l'histoire de cette rencontre entre Elvis Presley et Richard Nixon à la Maison-Blanche en décembre 1970. Karine Prémont est politologue à l'Université de Sherbrooke, directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Elle est avec nous pour nous raconter l'histoire de cette curieuse rencontre au sommet entre Elvis Presley et Richard Nixon. Ça s'est vraiment produit, et oui, Karine Prémont, bonjour. Bonjour. L'histoire de cette rencontre, on y revient. Michel Coulombe parlait de la photo. Oui. On parlera de la rencontre, comment ça s'est organisé, très, très rapidement d'ailleurs. Mais l'histoire de cette rencontre-là, Karine Prémont, c'est d'abord l'histoire de cette photo. Oui. Et effectivement, c'est le document le plus consulté des archives nationales, bien plus que la Constitution, que la Déclaration d'indépendance. C'est vraiment ce qui intéresse le plus les Américains quand ils souhaitent avoir des documents historiques, entre guillemets, parce qu'on s'entend qu'on n'est pas ici dans la grande histoire des États-Unis. Et à tel point que les archives nationales ont décidé en 1988 de vendre des copies de cette photo-là. Bon? Et en une semaine, ils en ont vendu 8000 copies. Ça s'est envolé comme des petits pains chauds. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver des t-shirts, des tasses, des boules de neige avec Nixon et Presley qui se serrent la main. C'est devenu une figure, une image iconique. Là. C'est devenu une image très, très célèbre. Et c'est la photo, la même photo qu'on voit toujours, mais en fait, il y aura plusieurs photos qui sont prises, effectivement. On en voit quelques-unes quand on fouille un peu plus, là, mais essentiellement, c'est toujours la même qu'on voit, vous avez raison. Qu'est-ce qui fascine tant, moi, c'est la question en préparant l'émission que je me posais, qu'est-ce qui fascine tant les Américains dans cette photo-là? Sur la musique d'Elvis Presley, on va pas s'en priver quand même. Le commentaire de son ami Jerry Schilling, qui accompagne le King à la Maison-Blanche le 21 décembre 1970, extrait d'une entrevue qu'accorde Schilling à CPAC en 2010. Return to sender. I gave a letter to the postman. When I saw the most powerful person in the world, and I saw him meeting the most popular person in the world, and I saw there was... J'ai vu l'homme le plus puissant du monde rencontrer l'homme le plus populaire au monde. Et je pense qu'ils ont réussi tous les deux à ressentir la solitude de l'autre. Il y a un côté rigolo à cette rencontre, mais elle fait aussi partie de la grande histoire américaine et y occupe une place de choix. If there was ever a true American story, I think that's one of the top. Riding on it. Return to sender. Address unknown. Je vous fait la confession, en fait une double confession. D'abord, Karine Prémont aime la politique américaine, vous le savez, mais aime Elvis Presley. Et l'autre confession que je peux vous faire, chers auditeurs, c'est que elle opinait du bonnet quand elle entendait cet extrait de Jerry Schilling. Pourquoi oui, pourquoi c'est si important cette photo? Qu'est-ce que ça représente tant pour les Américains, cette photo-là, cette rencontre entre Nixon et Presley? Mais je pense que Schilling a tout à fait raison. C'est vraiment la situation extrêmement particulière de ces deux hommes-là, leur immense solitude à exercer leur fonction, à faire leur métier, malgré le fait que des millions de gens, en fait, les soutiennent, les appuient, les aiment ou les détestent. C'est vraiment cette solitude-là qui va les rapprocher. Évidemment, Elvis Presley est aussi un républicain, est un conservateur et est un patriote tout à fait fervent. Alors, en termes de valeurs aussi, ce sont deux hommes qui se rejoignent. Mais je pense que ce qui fascine les Américains, c'est vraiment la rencontre de ces deux institutions, mm-hmm. que sont la présidence et la célébrité, en fait. Mm-hmm. Et ce sont ces deux icônes-là qui se rencontrent. Et je vous dirais, une autre raison, c'est l'incongruité même de cette situation-là qui intéresse les Américains. Parce que, effectivement, on verrait ça au cinéma. On peut pas imaginer ce genre de rencontre-là à cette époque. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est différent. On a Rihanna, on a Beyoncé qui vont à la Maison-Blanche de façon régulière. Alors, maintenant, c'est plus courant. Mais à cette époque-là, dans l'Amérique plus conservatrice des années 60, 70, ben, c'est pas si courant que ça. Et cette photo-là, pour moi, elle est extraordinaire parce qu'elle symbolise la transition abrupte entre les années 60 et les années 70. C'est vraiment la rencontre de deux mondes, en fait. Et c'est pour ça, je pense, qu'on s'en rappelle aujourd'hui. Et Elvis aussi, parce qu'on ne l'a pas décrite, cette photo, peut-être que tous les auditeurs ne l'ont pas vue, mais qui arrive habillé en Elvis Presley. Là. En velours mauve, avec des accessoires en or, avec des lunettes fumées. Donc, il n'y va pas de main morte, évidemment. Il est habillé en Elvis, vous avez tout à fait raison. Ouais. Et vous avez Nixon dans son habit très nixonien. Habillé en Nixon, c'est ça. Exactement, qui n'est pas réputé pour son élégance particulièrement. Donc, et ce contraste-là est extraordinaire. Ouais. Et c'est dommage que la photo soit en noir et blanc, parce que je suis certaine qu'en couleur, ce serait encore plus éclatant de voir ce contraste. C'est Elvis Presley qui a l'idée de cette rencontre. Comment lui vient cette idée-là? Ben, tout d'abord, on est dans le contexte du temps des fêtes et Elvis Presley ne lésine pas quand c'est le temps de faire des cadeaux à sa famille et à ses amis. Alors, il dépense des sommes faramineuses pour acheter des cadeaux, des voitures, des armes, des bijoux, des fourrures, etc. Et sa famille et ses amis lui font un peu la morale, mm-hmm. lui font un peu la leçon. Ça suffit. Cesse de dépenser de l'argent pour ça. Essaie de trouver des causes plus honorables dans lesquelles investir ton temps. Et Elvis, ça va le fâcher, ça va l'énerver un peu. Et il va décider comme ça, sur un coup de tête, de partir pour Washington, où il va s'ennuyer un peu, alors il va retourner à Los Angeles, et c'est là où il va avoir une réflexion plus approfondie sur ce qu'il pourrait faire de son temps. Ouais. On écoute à nouveau, justement, sur cette réflexion plus approfondie qu'aura Elvis en regardant la télé. On écoute Michel Coulombe à nouveau en parler au micro de Joël Lebigot en avril 2016. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see? Et donc, il décide, comme ça, parce qu'il regarde la télé, puis il se dit « Ah, la drogue, c'est un gros problème », d'aider le gouvernement américain. Il faut dire qu'il a une collection de badges de police. et de drogue. Donc, il se dit avoir le statut d'agent double pour le FBI. Je pourrais aller voir, comme ça, le président américain. Non, mais pour vrai, là. C'est une farce. Non, pas du tout. Je vais aller voir le président américain, je vais lui dire « Je serai agent double, je mettrai une moustache et je pourrai m'infiltrer dans des groupes musicaux. » On le reconnaîtra pas, bien sûr. Aider mon pays. Bon, Priscilla Presley, pour préciser quand même, donner la mesure des choses, a publié un livre après la mort d'Elvis Presley pour dire qu'en fait, son but, lui, c'était de pouvoir entrer des narcotiques aux États-Unis puisqu'il aurait eu ce statut-là. Elle disait des narcotiques et des armes. C'est vrai que tout ça a des allures de farce, Karine Prémont. Oui. On entendait Joël Lebigot réagir dans cet extrait. Il y a ce côté-là complètement burlesque. Qu'est-ce qu'on sait des motifs véritables d'Elvis Presley quand il sollicite cette rencontre avec Richard Nixon? Ben effectivement, c'est difficile à établir parce qu'on a deux versions. On a celle de Schilling qui a discuté avec Elvis une fois rendu à Los Angeles. Et c'est là où Elvis lui confie, effectivement, moi je pense que je pourrais aider mon pays en ayant ce fameux badge du bureau qui s'appelle à l'époque le Bureau des narcotiques et des drogues dangereuses, qui a été créé en 68 et qui va devenir plus tard en 73 là, la fameuse Drug Enforcement Administration qu'on connaît aujourd'hui, la DEA. Presley dit, moi je pourrais faire quelque chose pour mon pays, je connais les jeunes, je leur parle, ils m'écoutent, alors peut-être que je pourrais faire ça. Un réel désir d'aider son pays, de ce qu'il va dire, c'est de rendre un peu le prestige au drapeau d'une certaine façon, de lutter contre cette contre-culture. Il faut dire, parenthèse, mais que pour remettre les choses dans leur contexte, à ce moment-là, la lutte contre la drogue aux États-Unis, pour Richard Nixon, il va prononcer des discours. C'est une priorité. Nixon. C'est une priorité, ça l'ennemi c'est clair. L'ennemi public numéro exactement. Un, dit-il. Exactement. Et donc, et d'ailleurs, ce sera une des raisons qui va pousser Nixon à accepter cette rencontre-là, parce qu'il va voir ce lien entre la musique et la drogue. Il va dire, mais peut-être qu'on a une occasion là, en fait, de rejoindre un public qu'on ne peut pas rejoindre autrement. Mais Elvis va confier un peu ça à son ami. Effectivement, sa collection d'insignes de police, il a une grande collection d'armes également. Alors, pour lui, c'est un peu dans l'ordre naturel des choses. Mais effectivement, Priscilla Presley va apporter cette nuance-là en disant, ben, à l'époque, il consomme déjà des médicaments, il a déjà des problèmes à cet égard-là, et il se promène toujours avec des armes sur lui. Alors, il est un peu fatigué qu'on lui confisque. Alors peut-être que ça lui permettrait de voyager là, en toute impunité un peu partout dans le monde. Parce que ça, c'est l'autre côté un peu, surréaliste de l'affaire. Quand on connaît un peu le parcours d'Elvis Presley, oui, c'est des médicaments, mais au fond, ce gars-là est intoxiqué complètement. De penser qu'Elvis se dise « Je vais être un ambassadeur de la lutte contre la drogue ». Mais il y a tellement de choses étranges dans cette histoire-là que c'est ça qui est fascinant, en fait, dans cette rencontre-là. Parce qu'à chaque fois, on se dit « Mais c'est pas possible, une chose pareille ». Ça se peut pas que ça se soit produit pour vrai dans ce contexte-là. Et pourtant, ça s'est produit. Il va donc, Elvis Presley, écrire une lettre au président Nixon pour demander cette rencontre-là. Dans quelles circonstances ça se passe? Ben, une fois à Los Angeles, après avoir discuté avec son ami, écouté la télévision, il se dit « Je sais maintenant ce que je vais faire. Je dois demander audience au président Nixon et je retourne à Washington. » Alors, il prend l'avion et il va rédiger une lettre au président Nixon, une lettre de 6 pages, quand même assez étoffée, pour le président Nixon, pour lui demander cette audience-là, pour lui dire, et je le cite, qu'il souhaite devenir un agent fédéral au sens large, être investi de pouvoirs particuliers pour aider son pays à lutter contre les fléaux qui l'habitent. Et cette lettre-là comporte plusieurs éléments intéressants. Notamment, il fait référence à une rencontre qu'il a eue avec le vice-président Spiro Agnew quelques semaines auparavant. C'est pas très clair, là, en termes de documentation. On n'a pas beaucoup de traces de ça. Il va aussi expliquer pourquoi il serait un bon agent fédéral pour les États-Unis. Notamment parce que il a ce contact-là privilégié avec la jeunesse. Et il va dire dans sa lettre aussi, et je le cite encore, je ne suis pas considéré par la contre-culture comme faisant partie de l'establishment. Ouais. Alors, on ne m'associe pas nécessairement avec la répression, avec la lutte contre la drogue. Alors, ça me permet peut-être d'infiltrer d'une certaine façon ces milieux-là. Et donc, il va dire, ben moi, j'aimerais avoir des pouvoirs fédéraux pour ça. Et il va flatter Nixon, évidemment, peut-être parce qu'il connaît le personnage aussi. C'est le contexte, pour se remettre en contexte, à ce moment-là, Presley vient de recevoir un prix comme quoi il fait partie des 10 jeunes Américains les plus prometteurs. Et il va dire à Nixon, en parlant de ce prix-là, « Moi, je considère que vous êtes l'un des 10 hommes les plus remarquables des États-Unis. » Et donc, il va expliquer tout ça en 6 pages à bord de l'avion. Il va ajouter, évidemment, ses coordonnées personnelles. Il y a à peu près une liste de 15 numéros de téléphone où on peut le rejoindre. Il met également le nom d'emprunt qu'il a utilisé pour s'inscrire à l'hôtel Washington. Où il sera. Toutes les coordonnées sont là parce qu'il veut absolument que Nixon le contacte rapidement. Et quel document d'archives formidable, parce que tout ça, c'est 6 pages. J'ai écrit ça vraiment dans l'avion, sur le papier. Sur le papier d'American Airlines. Alors, avec des ratures. Voilà. Et tout le tralala. Et c'est disponible. On peut voir ce document. Bon, ça, il dépose lui-même aux petites heures du matin cette lettre-là. 6h30 du matin à la Maison-Blanche, il va porter la lettre. Et donc, elle est réceptionnée, elle est rapidement prise par les services de courrier. Et ça va se rendre, au bureau d'Eagle Crow, qui est un assistant de Nixon, qui est responsable, lui, des liaisons entre le FBI et la Maison-Blanche, qui s'occupe aussi des dossiers liés au bureau des narcotiques, et qui est un fan d'Elvis, et qui va dire, mais il faut absolument qu'on rencontre Elvis, il faut absolument que Nixon rencontre Elvis. Il va tout mettre en œuvre, en fait, pour convaincre rapidement Nixon, mais surtout le chef de cabinet de la Maison-Blanche, le redoutable Bob Haldeman, qui lui est tout à fait sceptique, et quand on voit physiquement le mémo rédigé par Crow et qu'on envoie à ce chef de cabinet, ben on voit que lui il écrit dans la marge, vous plaisantez sûrement parce qu'on ne prend pas au sérieux cette demande là, mais tout ça va finir par aboutir entre les mains de Nixon. Ouais. Et Nixon lui-même va réagir avec beaucoup de scepticisme au début quand on lui fait part de cette demande là, il comprend pas trop. Qu'est-ce qui fait qu'il va finir par accepter, Karine Prémont? Mais parce que justement Crow va réussir à le convaincre avec l'aide de Dwight Chapin, qui est un autre conseiller de Nixon. Ces deux hommes-là vont réussir à le convaincre, en fait, de l'opportunité que ça représente pour le président de rencontrer Elvis Presley, qui est cette icône de la musique rock'n'roll. Presley a 35 ans à cette époque-là, Nixon en a 57. Et c'est un public, comme on le disait précédemment, que Nixon n'est pas capable de convaincre, n'est pas capable d'aller chercher. Et justement, on va envoyer des informations à Nixon cette journée-là pour le préparer à sa rencontre en disant, vous savez, il y a des milliers de personnes par jour qui meurent d'overdose de drogue aux États-Unis et beaucoup de jeunes adolescents, en fait, des centaines d'adolescents qui meurent chaque année d'overdose de drogue. Il y a pas très longtemps, en fait, il y a deux icônes de la musique qui sont décédées d'une overdose. On pense à Hendrix, on pense à Joplin. Alors peut-être que ce serait une bonne idée pour vous en termes marketing, tout simplement, de rencontrer Elvis Presley et de discuter de ces choses-là avec quelqu'un qui représente, d'une certaine façon, la jeunesse américaine. Ouais. Et comme dans cette histoire, rien ne tient debout, tout ça va se faire en un temps record. Oui. Il écrit la lettre dans l'avion, Presley, durant la nuit. Au petit matin, à 6h30, clac, lettre à la Maison-Blanche. Le jour même, Karine Prémont, il est reçu dans le bureau Oval. Tout à fait. À midi, il est reçu. Donc, le temps de se rendre à l'hôtel, sans doute de faire une sieste, et il est convoqué à la Maison-Blanche. En fait, il fait un petit détour par le bureau des narcotiques, parce qu'il se dit, tant qu'à y être, peut-être que je pourrais aller directement à la source. Il rencontre l'adjoint du directeur, alors il ne rencontre pas le directeur en tant que tel. On n'a pas de documents sur cette rencontre-là de façon bien précise. On sait en tout cas qu'il n'a pas eu son badge, évidemment. Mais À ce moment-là, il ne l'a pas. Oui, parce qu'il l'aura, on peut tout de suite le dire, au terme de la rencontre avec Nixon. Comment ça se passe, cette rencontre-là? Cette rencontre-là, elle est dans l'étrangeté du reste de la situation. Tout d'abord, Elvis Presley arrive avec son garde du corps, Monsieur West, Sonny West. Il arrive également avec son ami Schilling, dont on parlait précédemment. Il arrive avec ses armes, bien sûr, et le détecteur de métal où la sécurité ne le laisse pas passer avec ses armes, alors il doit s'en départir. Et les deux autres hommes ne sont pas autorisés à rencontrer Nixon. Alors, c'est une rencontre uniquement entre Nixon et Presley. Et ce qui est dommage, c'est que malgré tous les enregistrements qu'on a de la Maison-Blanche pendant la présence de Nixon, on n'a pas cette période-là parce que les enregistrements seront mis en place uniquement l'année suivante. Ouais. Alors, on n'a pas d'audio de cette rencontre-là, mais c'est documenté par à peu près tous les fans d'Elvis qui travaillaient dans la Maison-Blanche à ce moment-là. Elvis Presley va offrir un cadeau assez somptueux au président. C'est une arme de sa collection personnelle, un Colt 45 de la Deuxième Guerre mondiale, dans un écrin avec des balles. On peut voir d'ailleurs ce cadeau-là au musée du président Nixon. Et donc, c'est une très belle arme. Donc, il offre ce cadeau à Nixon. Et là, ils vont papoter un petit peu, n'est-ce pas? On va discuter d'abord des pièces de la collection d'insignes d'Elvis Presley. Il a apporté quelques échantillons. Il montre ça à Nixon. Ils en discutent. Et là, Elvis va commencer un peu son plaidoyer. Il va dire je regarde un peu le phénomène des Beatles se produire. Je considère qu'ils sont pas mal anti-américains. Ils viennent faire leur argent ici. Ensuite, ils retournent chez eux. Alors, je considère que c'est pas tellement intéressant pour nous. Et là, Nixon retourne chez eux en crachant un peu. Sur les valeurs américaines. Ouais. Exactement. En dénonçant un peu la culture américaine. Alors là, il est tout à fait offensé. Nixon va dire, et oui, en même temps, ce sont des consommateurs de drogue. Et ceux qui prennent des drogues aussi sont anti-américains. Alors, on va comme ça se lancer la balle sur des sujets de cette nature-là. Et là, Elvis va dire, moi, écoutez, là, J'ai bien étudié la culture de la drogue. J'ai bien étudié aussi la propagande communiste, parce qu'il va faire cet amalgame à un moment donné. Il va dire, je comprends les problèmes auxquels vous faites face. Moi, je pense que je peux vous aider. Je suis de votre côté. Et je veux justement, comme on disait tantôt, restaurer le prestige par rapport au drapeau. Je veux restaurer le respect au drapeau. Ouais. Et je pense que je peux aider. Je peux vous aider si vous me donnez les pleins pouvoirs, d'une certaine façon, pour agir de façon large, pour justement infiltrer ces jeunes que je peux fréquenter et que je pourrais éventuellement sermonner, voire dénoncer si besoin est. Donc, donnez-moi, Monsieur le Président, ce fameux badge. Je vais collaborer, moi, avec le Bureau des narcotiques. Tout à fait. Je serai une source de renseignement. Je pourrais vous aider. Je pourrais peut-être, justement, convaincre des gens de changer d'idée. J'aimerais avoir ce badge. Et là, Nixon regarde son assistant et lui dit... Est-ce qu'on peut lui donner un badge? Allez lui chercher un badge. Et Elvis est fou de joie. Il va serrer le président dans ses bras. Et Nixon n'est pas très friand des contacts physiques et surtout pas cette exubérance rock'n'roll-là. Alors, ça va créer un certain malaise, mais Elvis Presley est tout à fait heureux du déroulement de cette rencontre. Et en fait, objectif atteint pour Presley, mais il se passe quelque chose, là. Cette rencontre-là devait durer... Nixon voulait pas rencontrer Elvis Presley. Ça devait durer 5 minutes. Et finalement, ils vont passer un bon bout de temps ensemble. Oui, parce que, justement, ils se rendent compte qu'ils ont des valeurs communes. Oui. Je disais justement qu'Elvis Presley est un républicain, est un conservateur. On se rappelle qu'il n'a pas tenté d'échapper au service militaire quand il a été appelé. Il l'a fait, ce service militaire-là. Et c'est vraiment quelqu'un qui est convaincu, en fait, que le pays est sur la mauvaise voie, que la culture américaine est en déchéance, que la jeunesse américaine est en déchéance. Alors, pour lui, ce sont des motifs tout à fait réels. Et Nixon se reconnaît dans ça. Et inversement, il partage une certaine base commune de valeurs. Cette rencontre-là, Karine Prémont, va demeurer secrète pendant 1 an. Oui. Pourquoi? Parce qu'Elvis Presley voulait que son association demeure confidentielle, parce qu'il s'est dit, ben, les gens ne peuvent pas savoir que je travaille pour le gouvernement fédéral. Évidemment, il n'a jamais travaillé pour le gouvernement fédéral. Il avait un badge, il n'avait pas du tout de pouvoir, il n'a pas prêté serment, il n'avait pas de mission, il dirigeait pas d'opération, que ce soit bien clair. Il avait un badge de façon tout à fait symbolique, mais lui se disait, ben, si les gens savent ça, ben, ils se confieront plus à moi, je pourrai plus faire mon travail d'agent fédéral. Puis l'histoire dit pas s'il s'en servira de ce fameux badge pour se promener avec des armes et des substances illicites. 1 an, donc, de secret. Après, je reviens aux motifs qui font que l'entourage de Nixon dit « il y a une bonne occasion politique à saisir ». Est-ce qu'on va s'en servir de cette affaire-là, de cette photo, de cette rencontre, politiquement? Non, parce qu'un an après, c'est la fin 1972, début 73, c'est le Watergate. Alors, Nixon a pas mal d'autres chats à fouetter que ce que peut bien faire Elvis Presley de son côté. Alors, ce ne sera pas... en fait, il n'y aura pas de conclusion dans un sens ou dans l'autre concernant cette rencontre-là, parce que Nixon ne va pas avoir l'occasion d'utiliser ses accointances avec le King. Alors, ça restera essentiellement une anecdote là, pour la suite des choses. Dernière question à Karine Prémont. Qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui? Il y a un musée. Qu'est-ce qui reste concrètement de tout ça? Bien, c'est très intéressant parce que quand on regarde les mémoires des conseillers Nixon, quand on regarde l'autobiographie de Nixon, quand on regarde tous ces papiers officiels, il n'y a à peu près aucune trace de cette rencontre-là parce que c'était essentiellement, bon, on se serre la pince, on prend des photos, relations publiques, puis c'est tout. Il n'y avait pas de conséquences nécessairement politiques, en tout cas, pour l'équipe de Nixon. Mais quand on va au musée, il y a une disproportion dans la représentation qu'on fait de cette rencontre-là. Parce qu'on sait que les Américains sont fascinés par ça. Les Américains, ils vont pour ça. Ça occupe beaucoup de place au musée, ça occupe beaucoup de place dans l'imaginaire américain que la rencontre de ces deux icônes. Karine Prémont, politologue à l'Université de Sherbrooke, directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Merci beaucoup, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.